quiz. Oui. Allez, allez. Bonjour, bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors je sais qu'on ne partage rien, vous et moi, et que si je mourais piqué par un poisson-chat, Nagui enverrait probablement un stagiaire à mes funérailles. Même pas le meilleur. Même pas le meilleur en plus, celui qui rédige ses questions dans la bande originale, c'est vous dire. Mais bon, tant qu'à être là, je vais ouvrir mon cœur, voilà. Je crois que c'est bientôt la fin du monde. Oh, encore un billet sur Touche pas à mon poste, trop bien. Non, Leïla, calmez-vous. Baba n'aimerait pas que vous perdiez votre sang-froid comme ça. Non, il s'agit d'autre chose. Vous avez vu le clash diplomatique entre les Pays-Bas et la Turquie? Oh, un sujet de politique internationale, tu me réveilles dans 3 minutes. Promis, Daniel, je fais ça. Parfois, quand même, je me demande quel genre d'homme vous seriez si vous étiez scolarisé. Vraiment, ça m'intéresse. c'est pas pour parler de ça. Pour rappel, les Néerlandais. C'est pas drôle. Non, mais c'est vrai. Les Néerlandais ont carrément expulsé une ministre turque. Vous avez vu ça le week-end dernier? C'est violent. Oui. C'est flippant quand même. Tu peux difficilement faire pire comme mesure de rétorsion. Enfin, tu peux toujours faire pire. C'est-à-dire que je rappelle que André Rieu est néerlandais. Et qu'avec un peu d'imagination, une pièce étanche et un bon baffle, des Rieu dans une cave pour endiguer l'immigration, c'était le slogan de campagne de Geert Wilders. Hein. Heureusement qu'il n'est pas passé ce facho. Enfin, cela dit, ça m'a foutu le cafard quand même. Qui lui-même a été expulsé d'Angleterre d'ailleurs pour les propos racistes qu'il avait tenus. Ouais, c'est mérité. Cela dit, voilà, je vous dis, ça m'a foutu le cafard ce clash parce que j'ai l'impression que c'est la fin d'une certaine idée de la diplomatie en fait. La diplomatie. Dans ma tête, ça se réunit avec un toast au surimi sur une grosse moquette en se disant oui, vous comprenez, oui, guerre à l'article 17 bis de la convention bilatérale qui unit nos deux nations. La diplomatie, ça, non, c'est vrai, ça a 64 ans, 20 cm de calvitie, ça commence ses phrases par ça, tu nous as semblé quelque peu discourtois. Enfin, c'est morin avec des manières, quoi. Et c'est pas spécialement glorieux, la diplomatie, mais ça évite que danse avec les stars soit interrompue par une guerre. Et c'est un mal nécessaire, l'hypocrisie internationale, c'est vrai quand même. Je rappelle qu'une guerre, ça te relance une économie après coup, mais bon, sur le moment même, les témoignages sont formels, ça casse un peu l'ambiance, quoi. Pas vrai, maréchal? Affirmatif. Ah, bien d'accord. Et j'en profite pour saluer les nombreux poilus qui nous écoutent et qui doivent, comme moi, regretter l'époque où la diplomatie réglait les problèmes comme Hubert Védrine et pas comme Bertrand Cantat. Vous avez lu la réaction d'Erdogan. Il a traité les Néerlandais de nazis, mais après quoi, genre, après 9 secondes, plus ou moins. Là encore, c'est trash diplomatiquement quand même. Tu peux pas faire pire que le point Godwin. Enfin, à ce stade-là, il te reste le point MST. Où tu déclares un truc du genre oui, ces pratiques nous rappellent les heures les plus sombres de ma dernière chlamydia. Mais bon, si tu fais ça, tu peux brûler ta convention de Genève. C'est vrai, après le point Godwin, désolé pour les enfants qui sont ici, mais après le point Godwin, t'as plus de cartouches de langage. C'est vrai, quelque part, en théorie. Le point Godwin étant le point où une discussion finit par arriver, c'est-à-dire tu arrives au nazisme. Au nazisme, voilà, absolument. À Hitler. C'est vrai, c'est ce que je dis, après le point Godwin. Oui, c'est ce que tu dis, mais j'explique. Mais merci. Tu vas voir qu'on va te laisser parler à un moment. C'est bien pour mon rythme, en fait, ça. Non, j'ai en théorie, après le point Godwin, il y a bagarre. Quoi. Je veux dire, képi, baïonnette, 7ème compagnie, tesson de bouteille, bon vent neutron, t'es parti pour 5 piges normalement après le point Godwin. C'est vrai, à ce stade-ci, je précise qu'il ne s'agit pas de juger qui que ce soit, Wilders, Erdogan, les nazis, moi j'ai envie de vexer personne, chacun son petit parcours. Qui suis-je en plus pour distribuer les bons points, les mauvais points? Non, je dis juste que le monde tel que je l'ai toujours imaginé, il change complètement. Regardez les présidentielles. Bah, avant, t'avais deux contrôleurs de gestion, un de gauche, un de droite, dans des costumes amples et qui marchaient lentement à cause du manque de souffle, il y avait un canevas, quoi. Non, c'est vrai, quand t'étais vraiment en colère, tu disais non monsieur, vous n'avez pas le monopole du cœur, c'était basta, quoi. Une bise dans le cou, deux high five, une blanquette de dingue, et on passait chose. Alors non, mais c'est vrai, dans l'ancien monde, par exemple, quand t'avais des démêlés avec la justice, on l'apprenait après ton mandat. C'est vrai. On te disait, ouais, vous avez piqué dans la caisse, non? Tu disais, dans la caisse, moi? Je vous avais pas, bah oui, je vous avais pas dit ça. C'est autant pour moi, je vous dois combien? Mon épouse va régler l'addition et c'était terminé. Et aujourd'hui, quand t'as des démêlés avec la justice, on te l'apprend avant l'élection. Et on te dit, vous avez piqué dans la caisse, non? Et tu rebondis, alors qu'est-ce qu'il y a que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas lire qui? Sérieux, 9 chances sur 10, la France va être une caille à ce coup-ci. Vraiment. Vous vous rendez compte? C'est ça la fin d'un monde. Moi, je vous dis, je suis pas sûr d'être prêt. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillermo. Bravo. France Inter, Nagui, la bande originale.